frappe un pack, pack, pack, violent comme une bite en érection. Bah ouais. Ambiance Kaira dans un Porsche avec mes camarades. Rêve de carrière à Porsche, voilà pourquoi on est tous malades. Viens, je t'emmène en balade. Dans ma folie, je te raconte pas de salade. C'est speed, tu te mangeras des patates à la Rocky. Niggas, c'est le ghetto. Niggas, roule un pédo. T'es pas de chez nous, en squelette, tu retrouveras ton merco. Bah ouais, chez moi, c'est comme ça. On va te violer la chatte. Cesse de miauler, Masta. J'serai là quand y'aura de rap. C'est bizarre, on vit comme dans un film. On passe notre temps à manger des pizzas. Nous pousse pas au crime. Dans mon secteur, on veut tous le million d'euros. Certains font les séducteurs au comico pour éviter les barreaux. Y'a pas trop de pas dans mon équipe. Remballe, t'es mis un coup le pas, stupide ça. Ça partira tout part, ta fin à la clinique. Eh ouais, fumeur de drogue, tu crois qu'on dort? On fait les dièses, Masta. Nous, on vit enfermé dehors. Les nègres roulent côté basse, connaissent ton glisse. Si t'as connu la crise, écoule la marchandise. Lâche le système, oui, baisse, qu'est-ce tu veux que je te dise? Tu crois gérer ton vice, connais ton vice. Les nègres roulent côté basse, connaissent ton glisse. Si t'as connu la crise, écoule la marchandise. Lâche le système, oui, baisse, qu'est-ce tu veux que je te dise? Je fais pas partie de leur mouvement, négro, je veux pas d'amalgame. Notre gamme c'est là-haut dans le RAP. Ma cam c'est tato, pas leur soigner. Dans la queue trop, on a tous. Les fakes n'ont pas de monstre mais sont en train de saigner. On se trimballe, rase la gilette, crâne, preneur d'otage. Le résultat fruit de la plaque et de la blanche volta. La jambe tourne, tout comme l'argent. Comme leur fou, comme les stars, comme les meurs, comme le chant. Oh, t'as bien capté, on est au cœur du pays, c'est banal. Même les Marseillais signent ça pas banal. L'argent échappe, les pots d'échappe, mon crash la peine. On aime les mettre à quatre pattes, point, point de neige dans le zen. Écarte-toi, gueuse, il te manque un peu de tact. Trop de cadavres de paquets dans mon rap, trop d'impact, gueuse. Ambiance de Kaira, guette les yeux des mecs qui s'y abîment et par le champ. On fait dormir un tarpé dans la chambre. Les nègres roulent côté basse, connaissent son bise. Si t'as connu la crise, écoule la marchandise. Lâche le système, oui, baisse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois gérer ton bise, connais ton fils. Les nègres roulent côté basse, connaissent son bise. Si t'as connu la crise, écoule la marchandise. Lâche le système, oui, baisse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Généraux du maquis, ils disent qu'ils nous ont cherchés. J'arrive tard, sur les lèvres, le goût d'un pilon chargé. Ils sont plus les bienvenus car ils sont tous de la muse. Qu'ils disent au rap français que Marquesa a changé de bus. L'ambiance est sale, j'ai d'humeur séparatiste. Aujourd'hui les négros font n'importe quoi pour être en maison 10. La chaussée est pleine de bif, j'suis un de ces gosses. Grosse basse, caisse claire, rara, coup de croche. Parle peu de ce que j'sais, pose tes mains sur la table. Entrepreneur du bitume, PDG des marques à dame. On avance seul comme une nation, l'impact est réel. C'était y'a bien longtemps, le destin sous la semelle. Les sages agissent en silence et se font discrets. C'est sale, c'est mal, c'est ce que tu veux mais c'est vrai. Ambiance de Kaira, je viens de ces mondes du ciment. Enfant du béton, souverain d'un temps. Tu crois gérer ton bus, connais ton fils. Les nègres roulent côté basse, connais son bus. Si t'as connu la crise, écoule la marchandise. Lâche le système, oui, baisse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois gérer ton bus, connais ton fils. Les nègres roulent côté basse, connais son bus. Si t'as connu la crise, écoule la marchandise. Lâche le système, oui, baisse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un courageux qui part au boulot. Pour en finir, hein. Cette fois il paie. Je vais te débrouiller, ouais. Hein. Cette fois il paie. Hein. Ouais. Vas-y, tu le fais.